vous êtes assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Simon Fitzbé rendra hommage au peuple français lors d'une édition spéciale de ses cartes postales musicales. Et Catherine Langlois rendra peut-être hommage au feuillage et au peuplier dans la chronique du Club de l'air UQTR. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 16 novembre 2015, 162 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut. Un autre lundi. Un autre lundi. Il y en a tout le temps, un par semaine presque. Mais je dois avouer que celui-là, il arrive plus facilement que d'autres. Tu trouves comment ça donc? Je sais pas, on dirait que je suis plus réveillée que certains autres lundis. Ah ben, je vais compenser en étant plus fatiguée que jamais. Voilà. Voilà. C'est comme ça, ça dépend des semaines, ça dépend des jours. Bonjour à toi et bonjour à vous tous. Oui. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, l'émission, Tania, on a pas mal de choses de plus que d'habitude. C'est vrai, en temps normal, les lundis sont comme notre journée calme. C'est ça, on a d'habitude un chroniqueur ou une chroniqueuse qui sont en alternance les deux aux deux semaines. Oui. Donc c'est une fille, un gars, une fille, un gars de deux semaines à l'autre. Aujourd'hui, on a tout le monde en même temps, plus un bonus. Oh! Un bonus, donc notre régulière, commençons par elle, elle va être à 9h, Catherine Langlois. Avec la chronique du Club Ténère et Cutère. Elle nous parle toujours de sujets d'extérieur, probablement quelque chose de froid. Oh non! Ouais. Moi, j'aime pas ça, le froid, là. Moi non plus. Mais bon. On va avoir aussi David Ferron, qui serait là habituellement aux deux semaines entre Catherine Langlois. Là, il vient nous plugger quelque chose. Il m'a pas trop dit quoi, mais il dit « Je vais venir quand même pour ma case horaire, mais pour plugger quelque chose. » OK. Fine. Fait qu'on t'attend, David. C'est ça. C'est ton émission, David, entre 8h30 et peu importe quand t'auras fini, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, sa case habituelle, mais pas habituelle. Mais dis-moi donc, quelle est la surprise? Quelle est la surprise? C'est Simon Fitzbé qui va nous faire une carte postale musicale en hommage au peuple français. Donc, on va faire ça entre les chroniques des autres. C'est pas en direct tout ça, donc on peut se permettre de le faire entre les autres. Je gâche la surprise avant de la faire. Mais, c'est correct. Je trouve que c'est quand même assez énorme. Oui, c'est énorme. D'après moi, c'est bien de le faire. C'est ça. Alors, ta chronique à toi, Tania is gonna do Tania. Qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? Même si je l'ai vu sur la table. Ouais, ben je vous présente un livre, mais en fait, je vais surtout vous présenter tout ce qui vient autour de ce livre-là. Et je vais même te faire participer à ma chronique, Mathieu. Oh boy! Oh boy! Et... Est-ce que tu vas me faire lire? Non. OK. Non. Moi, je vais lire un léger bout, mais non. OK, parce que moi, peut-être que ça va être comme ça que je vais te faire participer dans quelque chose d'autre. Dans quelques instants, on va faire C'est un fait. Ça s'en vient dans quelques minutes pour débuter l'émission. Mais avant ça, on écoute du Ariane Zita et une nouvelle pièce du palmarès francophone pour se mettre dedans pour nos chroniques de plus tard ou peut-être qu'on va aller dehors avec Catherine Langlois. Soyons bêtes, un peu. Sauvage, mettons. Mettons sauvage. Mettons. Exemple. Soyons sauvages. Ariane Zita, son lâche requis. Chaque jour, tu me fais oublier mon âge. Zita, la pièce Soyons sauvages à Assemblage Rocky. Tania, tu te rappelles, il y a quelques semaines, tu nous as fait une petite liste de comment ne pas s'endormir pendant la journée, le matin. Oui. Tu sais, t'as dit un de tes conseils d'arrêter de mettre du snooze sur ton alarme, genre ouais, de pas faire de snooze. Je dois avouer que depuis ce temps-là, j'arrête pas de snoozer. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai enlevé la fonctionnalité snooze de mon application. C'est ça que tu me disais, ouais. Mais je pars le minuteur de mon iPhone, puis j'y mets un bon 25 minutes, une demi-heure, des non. fois. Je sais pas si c'est mieux. Là, ça aide pas. Sûrement pas. Hein. J'avoue que je snooze juste pour 10 minutes. OK. 9 minutes, non? Les vrais snooze, c'est 9 minutes. Ouais. Je snooze. Après ça, je me lève. Je fais ce que j'ai à faire. Puis je retourne dans mon lit. Ah, c'était tellement pas sage. Ouais, je sais. Ouais. En tout cas, bref. On va apprendre des choses parce que nous, on est sages. Nous autres, on a notre petit chapeau d'étudiant, des petites casquettes avec une hélice. Là, comme, on était intelligent. On était très intelligent avec les lunettes, avec la tête dans le milieu. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Une chance que cette intro-là dure pas plus longtemps. Hein? Un troisième couplet aurait été trop. Est-ce que c'est un refrain? Parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de refrain ou de couplet. Oui, il n'y a pas vraiment. Ouais, non, c'est juste. Un paragraphe. Un paragraphe, de genre deux phrases. C'est ça. Bref, au moins j'ai une choriste sur le bout important. Et voilà. Ce qui est peut-être le refrain de la chanson, on sait pas trop. On sait plus. Avant l'année 1700, c'était la coutume pour les gens qui étaient de descendance européenne d'amener leur propre cuillère à table. Ah, okay. Les cuillères étaient transportées en fait sur soi comme une propriété personnelle, un peu comme on transporte un portefeuille, un trousseau de clé, peut-être certains un canif. Donc dans le temps, avant les années 1700, c'était des cuillères qu'on apportait. Est-ce que ça dit pourquoi? Il y a un article via la page Wikipédia de la cuillère, spoon, ouais. Qui nous explique ça. Attends un petit peu. Ouais, c'est un peu long comme paragraphe. Ouais, finalement. C'est ça, moi aussi, j'essayais de lire un petit peu, mais... Bref, à partir de l'année 1700, c'était populaire donc d'avoir de la coutellerie normale. Donc là, on a inventé, bon, tablespoon, table fork, table knife. C'est pour ça qu'on dit une cuillère à table. C'était une cuillère qui était apportée, ben en fait, qui était déjà présente à la table, que t'avais pas apporté toi-même, t'sais. On avait donc aussi une fourchette à table et un couteau à table. My God. Ce qui est quand même intéressant. Allez voir la page de Spoon, Tablespoon, en fait, sur Wikipédia. Les gens étaient prêts de leur billet. C'est ça. Alors, en même temps, c'est normal, les virus, tout ça, j'imagine. Tu transportais ta propre cuillère pour pas te laisser dans la bouche des autres. Ah, ben oui, tu sais, vu comme ça. Ben oui. Bref, j'aime les sporks, moi. Cuillère, fourchette. Cuillère, fourchette. En même temps. Comme un canif, mettons. Non, mais c'est une cuillère, puis il y a des fentes sur le bord, tu sais. Mais c'est aussi une cuillère. Ah, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, une compagnie en Angleterre a accidentellement envoyé des lettres à certains de ses clients les plus riches qui commençaient par, et je cite, « Cher bâtard riche ». Mais non! Un client qui n'a pas reçu la lettre s'est plaint. Il était certain que sa richesse était assez pour demander le titre de « bâtard riche ». C'est très drôle. C'est insultant, mais c'est très drôle. Eh oui. « Dear rich bastard ». Croyant que qu'une assurance, c'était comme ne pas croire en Dieu. OK. OK. Donc, et que l'assurance sociale, la sécurité sociale, etc., était une forme d'assurance, ben les Amish refusent de payer la prime d'assurance et d'accepter les bénéfices qui viennent avec l'assistance sociale. Donc, eux, ils décident, non, j'embarque pas là-dedans parce que je fais confiance à Dieu. Ah! Je ne savais pas ça. Ben, moi non plus, je savais pas. Ouais. Pour populariser les patates, les pommes de terre en France, Antoine-Augustin Parmentier a placé des gardes armés autour de ses champs de patates, demandant aux gardes d'accepter tous les pots de vin et de permettre aux gens de voler les patates. Ça a popularisé les patates. Je viens de me rendre compte que, tu sais, le fameux potage parmentier, ça t'a été à cause d'Antoine-Augustin Parmentier. Exactement, et oui, il est hachis parmentier, un équivalent du pâté chinois avec les ingrédients un petit peu différents. Mm. Bref, tout ça vient de là. Mais en plus, quand t'écris son nom sur Google, ça, il devient vraiment la voix du gars qui a promu la patate. Oui, c'est le porte-parole. C'est le porte-parole c'est de la patate. Le porte-parole. Je trouve ça très drôle. Le porte-patate. À l'âge de 15 ans, l'empereur romain nommé Heliogabalus. Heliogabalus était un grand blagueur, un grand farceur, un joueur de tour. Hein? OK. Donc, il saoulait ses invités complètement. Il les saoulait comme jusqu'à un blackout total. Ouais. Hein, tu connais ça? Moi, c'est ensuite... Et ensuite, les trompait dans une chambre à coucher pleine de léopards, de lions et d'ours, mais sans dents. OK, mais c'est méchant, là! Mais c'est un tour! Hey, si en fin de semaine, je m'étais levé puis... Ouais, donc des lions, des léopards et des ours sans dents. Il a aussi créé, c'est la première personne qui aurait créé le whoopee cushion, les coussins à pète, en utilisant une vessie d'animal gonflé. Heliogabalus a évidemment fâché plein de gens, ce qui a mené à son assassinat quand il avait 18 ans. Mais voyons donc. On l'a tué! À cause qu'il faisait des pranks? Ben, c'est ce que ça dit. Tabarouette. Ces mésaventures ont fâché. Tu parles d'une fin terrible. Assez terrible. Ils l'ont pas fait manger par un lion ou un ours pas dedans, j'espère, parce que ça pourrait être long. Je sais pas, hein? Ça fait mal. On dit que le sarcasme augmente la créativité de tout le monde qui est inclus dans cette conversation-là. Donc, que ce soit la personne qui commet le sarcasme ou la personne qui écoute le sarcasme. C'est une nouvelle recherche par Francesca Gino de l'Harvard Business School. Adam Galinsky, un professeur d'affaires, professor of business à l'école d'affaires Columbia. Et Lee Wang de chez INSEED. Bref, les hommes d'affaires... non, c'est une école pour les personnes d'affaires européennes. Eux, ils nous apprennent que le sarcasme est beaucoup plus nuancé et offre des effets, des avantages organisationnels, psychologiques, importants et qu'on oublie parfois. Ah ouais? Drôle de phrase. Hein? J'aimerais ça lire cette étude-là. Ouais, c'est ça. Juste pour savoir. C'est rempli. De sarcasme. Les gens n'ont pas compris. Genre, c'est vraiment, ça a plein d'avantages organisationnels et ben psychologiques. Oui. On sait pas. Hein? C'est ça l'étude. C'est ça. Pour créer ou décoder le sarcasme, la personne qui exprime le sarcasme et la personne qui le reçoit doivent passer par-dessus certaines contradictions, par exemple la distance psychologique entre le littéral et le factuel. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à faire dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre le sarcasme, sérieux. Mais j'ai pas de la difficulté à comprendre le sarcasme. C'est juste qu'en théorie, dans la vie, j'aime pas me faire niaiser. Ouais. Fait que si t'es sarcastique, à un certain point, je sais plus à où ta limite versus la mienne. Oui, ça aussi je vis ça. Oui, on vit la même situation dans deux sphères différentes. Mais oui, des fois, quand t'embarques dans une relation très, très sarcastique avec une personne et que la relation est basée sur le sarcasme, genre que trois quarts des choses que vous dites sont du sarcasme puis qu'on s'insulte sans cesse, quand il y a quelque chose de vrai, tu le vois pas. T'es comme plus sûr. Puis tu te demandes, attends un peu, ça, est-ce que c'est supposé être vrai? Parce qu'elle vient juste de dire quelque chose de vrai. Mm-hmm. C'est mêlant. Très. Alors qu'il y en a d'autres que le sarcasme, ça leur passe par-dessus la tête, puis t'as beau dire, tu sais, bon, quelqu'un arrive, tu dis, hey, c'est les grosses truies, tu sais. Ils vont penser que c'est une insulte, parce qu'il y a tout un fond de vérité à tout. Exact. Il n'y a pas toujours un fond de vérité à tout, littéralement. Non, je suis d'accord avec toi sur ça. Grosse truie. Grosse truie. Donc ensuite... Et voilà. Ben oui, c'est dit. C'est dit. C'est dit. Tu me renvoies pas la balle. Ben, j'avais une idée, mais non, je l'ai pas. Espèce de mangeur de merde. Donc, la pieuvre d'arbres du Nord-Ouest Pacifique. Pacifique Nord-Ouest. Mm-hmm. Est-ce que tu connais la Pacific Northwest Tree Octopus? Non. Une sorte de pieuvre. OK. En fait, c'est un gros tour. Une grosse blague. Par l'Université du Connecticut pour tester les élèves de 7e année à savoir s'ils étaient capables de comprendre les fausses nouvelles sur Internet présentées comme si elles étaient vraies. OK. Tu sais, le journal de Montréal puis des affaires comme Navet, etc. Bref, ils ont échoué. Les élèves ont échoué, en fait, pas l'université. Certains maintenaient même que c'était réel après avoir été confrontés par le fait que c'était complètement une blague. C'est un phénomène qu'on appelle la persévérance par la croyance, belief perseverance. Donc, c'est ça, les élèves de 7e année ont quand même cru à cette pieuvre d'arbre et on leur a montré une photo, comme de quoi que c'était vrai, c'était une pieuvre sacrée dans un arbre. Ben là, c'est dans ma niaiseux. Ben oui, bref, c'est ça. Les chercheurs ont assigné des élèves de 7e année à ramener cette nouvelle-là. On a trouvé un site plein d'informations et on n'a pas, ils n'ont pas été capables de trouver le fait que c'était une blague ou une attrape. Les journalistes... Bref, les journalistes ont publié ça. Dans le fond, l'école, l'université du Connecticut a publié cette nouvelle-là dans différents journaux. Hmm. C'est ce que j'en comprends. Ouais, bref. Mais c'est fou, hein? C'est fou quand même. Faut vraiment faire attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Il y a bien des choses fausses. Beaucoup plus de ces jours-ci que, tu sais, quand on était plus jeune, il n'y avait pas vraiment de nouvelles sur Internet, ouais. Mettons. Ben, mais en fait, il n'y avait pas Internet quand ouais, j'étais jeune. C'est ça. Hein? C'est... Hein? Ben, moi non plus. C'est... Ah oui? Évidemment, les sources de C'est un fait sont sur assemblagerequis.com, mais souvent, ça vient de sites assez réputés. Il y a un gym qu'on appelle Eco Gym, il n'y a aucune raison d'en douter. Hein? Eco Gym qui utilise des équipements de cardio qui prennent de l'énergie des gens qui s'entraînent. OK. Bref, c'est pour essayer de couper un peu leur facture d'électricité. Les économies sont ensuite redonnées aux membres réguliers du gym, ce qui leur donne une raison de revenir pour faire plus d'exercices, ce qui paie plus d'électricité, ce qui fait plus de rabais, ce qui fait qu'ils viennent plus s'entraîner, ce qui crée plus de... Tu comprends? C'est quand même intelligent. Mais ça s'appelle Eco Gym. Belle roue. Il y a un pub en Irlande qui est ouvert depuis 1000 ans. OK. Ouais, Sean's Bar, qui a le record du livre Guinness en 2004 comme étant le plus vieux pub d'Europe. Wow. Sean's Bar. Un homme nommé Mike Merrill de Portland, en Oregon, a décidé de vendre des parts en sa propre personne et permet aux actionnaires de voter sur les décisions majeures de sa vie. Par exemple, ouais, le 24 janvier 2012, a demandé est-ce que les actionnaires devraient recevoir l'assurance vie de Mike lorsqu'il mourra? 297 pour, 10 contre. 2 février 2010, est-ce que Mike devrait devenir végétarien? Vote pour 453, vote contre 288. OK, non, mais c'est donc bien niaiseux. Lui, là, l'art de prendre une décision, de pas être capable de ça. C'est un mou, finalement. Pas de couilles. Pas de couilles, mais en même temps, il fait parler de lui partout. Et on le voit au Today Show, là, sur Assemblage Récupérateur. Ouais, mais là, il fait quoi dans la vie, hein? Ça dit pas, mais il porte les cheveux très, très gras et des lunettes de geek. C'est comme vraiment liché, sur le côté, là. C'est particulièrement mathématicien style. C'est malaisant, même. Un peu. Une femme nommée, ça c'est bien gentil, une femme nommée Holly Christensen crée des perruques de princesse de Disney en laine pour les enfants qui se battent contre un cancer. Oui, j'ai vu ça sur Internet, ça là. Ça c'est cute. Ça c'est cute. C'est une ancienne infirmière qui traitait le cancer, entre autres, qui donc fabrique des perruques faites de laine pour les enfants malades. Voilà. Elle n'aurait jamais imaginé que sa création irait partout au pays. Hein, donc Christensen vient de Palmer, en Alaska. Et elle fabriquait ça pour ses propres enfants quand elle a entendu parler de l'ami de son enfant qui était atteinte d'un cancer. Et comme ses enfants aimaient beaucoup les perruques, elle a pensé en envoyer à d'autres. Et puis finalement, ça a fini par faire le tour du pays. Ouh, ça c'est mignon. Très joli. Ensuite, il y a un terme qui s'appelle « semantic satiation », donc « satiété par la sémantique ». C'est un phénomène psychologique où la répétition fait qu'une phrase ou un mot va temporairement perdre toute raison d'être ou définition pour la personne qui l'entend. On va ensuite juste entendre ça comme des sons qui veulent rien dire, un peu comme c'est l'enseignant dans Charlie Brown. Je suis pas capable d'imiter ça, pardon. Es-tu capable de le faire, toi? Non. Genre, oui. À peu près dans Charlie Brown. Comment, il y a un film qui sort, là, faut que tu connaisses ça, là. Oui, je connais Charlie Brown, mais je dois t'avouer que moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec écouter des films ou des émissions de dessins animés. Ah, bon, ben Colin, il va falloir changer ça. Hein? Ouais. Bref, satiété par sémantique. Donc, c'est comme un peu comme quand tu dis, mettons, déjà, à tous les jours, ben à un moment donné, si tu dis déjà trop souvent, ça va finir par perdre toute définition. Fais attention à ton super pouvoir. Ouais. S'il te plaît. La méthode, celle-là, je sais que je vais avoir de la misère parce que j'ai eu de la misère quand je l'ai lu hier. Donc, la méthode de Lochi, Lochi. C'est beau ça, Lochi. Lochi. Alors, c'est une sorte de pâte. Donc, c'est une technique de mémorisation où une personne va créer une structure imaginaire d'une ville ou de d'autres choses dans sa tête et va utiliser des objets à l'intérieur des bâtisses pour représenter des choses, des idées dans la vraie vie. OK? Quoi? Donc, je le sais. La méthode de Lochi est une des techniques de mémorisation les plus communément utilisées. C'est super simple, on peut commencer à l'utiliser sans aucune pratique. Donc, la méthode utilise des informations que tu connais déjà, comme une chanson, par exemple, ou la façon que ta chambre est placée. Et okay. ça utilise ça pour se souvenir de l'ordre de nouvelles informations, comme un examen ou un nouvel emploi. Donc, par exemple, tu vas penser à ta chambre, qui a un bureau, qui a un lit, qui a deux bibliothèques, qui a une table de chevet, ouais. qui a une lampe, etc., etc. Et chacune de ces, chacune de ces choses-là va représenter quelque chose, une structure à l'intérieur de ça. OK. C'est tout. Ça s'appelle la technique de Lucky. Ou Lucky. Ou Lucy. Mais ça, on le fait de façon inconsciente. Ben oui. Quand tu chantes une chanson comme, mettons, des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, peut-être que tu pourrais te servir de cette chanson-là pour étudier mm-hmm. la sémantique par satiété ou la méthode de Lucky. Si ouais. t'avais à l'apprendre, t'sais. C'est vrai. Des choses dans d'autres choses. Des choses dans d'autres choses. La technique de Lucky. C'est une chose. C'est une chose, c'est ça. En Finlande, on a la journée nationale Sleepyhead. Ah, là, tu vois, on devrait participer. Je pense qu'on participe sans savoir. C'est autour de la canale vie. Ouais. Donc, c'est que la dernière personne d'une famille qui se réveille va être lancée dans le lac ou dans la mare par le reste de la famille. OK, peut-être pas, finalement. National Sleepyhead Day est célébré à Naantali, comme le village de Naantali. Mm-hmm, ben oui, Naantalissement. Une ville dans le sud-ouest de la Finlande, depuis les années 1880, la journée est mentionnée dans l'almanach finlandais jusqu'en 1652. La tradition date du Moyen-Âge où on croyait que la personne qui dormait le plus tard lors de la journée Sleepyhead serait paresseuse et non productive pour le reste de la journée. Donc la dernière personne à se lever sacrée dans le lac. Hey, ma mère se ferait pitcher dans le lac. Je pensais à dire mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Le livre buvable, Tania. Le livre buvable. Le livre buvable, oh, ça t'intéresse tout d'un coup, hein? Mais non. C'est un manuel d'instruction qui non seulement enseigne aux gens comment boire de l'eau propre, comment nettoyer leur eau, pardon, mais aussi c'est fait de pages enlevables qui sont recouvertes de nanoparticules d'argent qui vont filtrer l'eau contaminée et vont tuer plus de 99% de toutes les bactéries. OK. Donc, c'est littéralement un livre que tu peux ouvrir et arracher des bouts de page et filtrer de l'eau par la page du livre avec des nanoparticules d'argent. C'est cool, hein? C'est très cool. J'adore l'idée. Il y a une plante qui s'appelle Dictamnus albus. Fais-tu partie d'Harry Potter? Peut-être, peut-être. Donc, la plante est couverte d'une substance inflammable qui est un petit peu gluante au toucher et qui a un arôme citronné et fragrante. Mais si tu mets le feu à cette plante-là, ça va exploser en un genre de flash ben lumineux ouais. de feu. On voit un petit gif animé sur rassemblagerequis.com. Le Dictamnus est un genus d'une plante à fleurs de la famille des Rutacées, avec une seule espèce, la Dictamnus albus, qui a plusieurs variantes géographiques. On l'appelle communément le buisson en feu, burning bush, mm-hmm. False Dittany, White Dittany, la plante au gaz et la Fraxinella. Ah bon? Il y a des vidéos sur assemblagerequis.com aussi si vous voulez voir plus de détails. Des détails. Des détails. Le livre Where the Wild Things Are. Mm-hmm. En français, est-ce que tu te rappelles? Où sont les choses folles? Pas en tout. Vois que le film en français s'appelait comme ça. Ça s'appelle en français évidemment Max et les Maxi-monstres. Hein? Clairement. Ah ben oui! Ça n'a pas le choix. Donc, Max et les Maxi-Monstres, à l'époque, était supposé s'appeler Where the Wild Horses Are, au lieu de Where the Wild Things Are. OK. Hein? Parce que Maurice Sendak, qui est l'auteur du livre et l'illustrateur, a réalisé qu'il n'était pas capable de dessiner des chevaux. Donc, un petit peu de temps avant de commencer les illustrations, Sendak a réalisé qu'il n'était pas capable de faire de beaux chevaux et, à la suggestion de son éditeur, a changé les Wild Horses au plus ambigu Wild Things, un terme inspiré par l'expression en yiddish Wildeschaya, qui veut dire animaux sauvages, utilisé pour indiquer des animaux, pour décrire un petit peu des enfants sauvages, tu sais, qui sautent partout un petit peu. Hein. Mm-hmm. Des enfants... Turbulents. Oh, c'est beau ça, turbulents. Donc c'est une expression qui veut dire enfant turbulent. Ah! N'importe qui peut prendre un espèce de gros container. Tu sais, les containers bateaux, hein, oui. Qui voguent sur l'eau. Donc, on peut se promener en container pour faire le tour du monde en tant que passager pour environ 120$ par jour. Les voyages peuvent durer quelques jours. Certains vont s'inscrire pour 60 jours pour faire un voyage autour du monde, peut-être même en plus que 60 jours quand même. Les repas sont fournis, les chambres sont nettoyées une fois par semaine. Les chambres sont nettoyées une fois par semaine et les passagers font leur propre lavage. Donc c'est vraiment dans des containers. Ça s'appelle The Container Ship Tourism Industry. Et ils sont, le lien est sur assemblagereki.com, mais quand même, c'est pas affreux. Les chambres non, sont... Non, c'est pas affreux, mais c'est très drôle comme idée, par exemple. Vraiment. Les chambres ressemblent à, tu sais, un 1,5 demi-sous-sol, genre, quand tu vas sur Kijiji, des fois. Ouais, ça ressemble pas mal à toutes les demi-sous-sols 1,5. Tu sais, quand tu penses qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés au pays en container, toi, ouais, tu décides d'y aller... Pas un débat sur les réfugiés syriens. Non. Hey, c'est pas ça que je voulais faire. On va arrêter ça là. Ouais. Un réacteur. Meilleure idée. Un réacteur nucléaire construit en Allemagne a été converti en parc d'amusement. Il y a même un manège dans la tour de refroidissement de ce réacteur nucléaire. C'est le Fast Breeder Nuclear Reactor SNR-300 qui a été construit près de la ville de Kalkar en North Rhine-Westphalia en Allemagne. C'était mis aux enchères, cette usine-là, par une annonce dans les journaux. L'investisseur et développeur hollandais Henny van der Most a acheté presque toute la propriété et le site est maintenant transformé en parc d'amusement nommé Wonderland Kalkar, qui inclut un hôtel avec 400 lits. C'est cool! Dans un réacteur nucléaire, c'est malade. Je dois avouer que ça, là, ça, je serais dans d'y aller. Plus que le container de tantôt. Ouais. La course à pied la plus longue certifiée évidemment dans le monde est le Self Transcendence 3100 où les coureurs doivent faire 5649 tours autour d'un seul bloc à Queens, New York. Hein? Mais non. 5649 tours de bloc. Ok. Hein? Donc c'est la plus longue course à pied certifiée. En 1996, Sri Chinmoy a créé cet événement-là. C'était une course de 4345 km. À la cérémonie de remise des médailles cette année-là, il a déclaré que l'édition de 1997 augmenterait à 4989 km. C'est une course sur plusieurs jours, hébergée par ou accueillie par le Sri Chinmoy Marathon Team. Ça se déroule à Queens, New York, aux États-Unis, entre juin et août chaque année. Les coureurs doivent négocier 5649 tours d'un seul bloc de ville, donc à Jamaica, dans Queens, voyons. Au Queens, ouais. Au Queens, ça n'a aucun rapport. Et c'est ça. Les coureurs ont 52 jours pour compléter la distance, une moyenne de 95,95 km à chaque jour. Wow. Yeah, boy. Daniel Webster, qui a essayé de devenir président et qui a perdu 3 fois, a refusé de devenir vice-président 2 fois, pensant que ça valait rien. Les deux présidents qui lui ont offert... plus tard sont morts alors qu'ils étaient à leur poste, voulant dire que s'il avait accepté, il serait devenu président après tout. Ah! Donc tu comprends, il y a un ordre dans les choses. Loser, il a décidé de ne pas devenir vice-président, pensant que ça vaudrait rien. Et les deux présidents sont plus tard morts, ça veut dire que leurs vice-présidents sont devenus présidents. Je voulais juste leur expliquer correctement parce que je trouve que c'était un petit peu confus. C'est correct. On te pardonne. Merci. Il en reste pas beaucoup. On va continuer rapide. Charles Baldwin, le designer du symbole de Biohazard International. Tu sais, c'est les 3 cercles avec un cercle dans le milieu. Ça veut dire radioactif. Oui. Donc, il a dit, par rapport à son design, il a dit... Oups, j'ai cliqué sa mauvaise affaire. On voulait quelque chose qui était mémorable, mais qui ne voulait rien dire aussi, pour pouvoir éduquer les gens par rapport à ce que ça voulait dire. Ah! À la place de prendre un symbole déjà connu. C'était développé par Dow Chemical Company en 1966. On cherchait comme critère une forme qui allait attirer l'attention, quelque chose d'unique et d'ambigu pour ne pas être confus avec un autre symbole, rapidement reconnaissable, facilement retenu, facilement reproduit, symétrique pour être identique de tous les angles, peu importe dans un miroir ou pas, et acceptable à des groupes de différences arrières ou historiques ethniques pour ne pas être raciste dans son symbole. Et le symbole qui était choisi, c'est ce qui avait le meilleur score selon des tests de mémorabilité. Et on tient à préciser que ce fameux petit signe se retrouve sur plusieurs portes ici à l'hôpital. Oui, c'est quand même assez... C'est assez peurant, ça, oui. C'est comme proche de la cafétéria en plus. Ouais, c'est ce qui donne la saveur. Ben oui. Il y a une bibliothèque et une salle d'opéra, un théâtre d'opéra qui a été construit directement sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Si on sort de la librairie par l'opposé, par le bord opposé, ça va demander de montrer son... ça va demander de passer par les douanes, voilà. C'est drôle. Il va falloir y aller après, bref, finalement, il faut passer par les douanes. On aime ça, ce genre de maison-là. C'est le fun, hein? C'est Lascaux Free Library at Opera House, une bâtisse néoclassique qui est sur la frontière internationale entre Rock Island, qui fait maintenant partie de Stansted au Québec, et Derby Line au Vermont. L'Opera House est ouvert depuis le 7 juin 1904, a été délibérément construite sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'était déclaré une bâtisse d'héritage donc j'imagine historique, par les deux pays dans les années 70. Aujourd'hui, la bibliothèque a deux différentes entrées, une dans chaque pays, et donc deux adresses différentes. Son adresse américaine est le 93 Caswell Avenue, et son adresse canadienne est 1 rue Church. En français, rue Church, oui, pas Church mm-hmm. Street, rue Church. Sortir de la librairie, de la bibliothèque, pardon, par l'autre entrée, demande de se présenter aux douanes après. La frontière internationale est marquée par une ligne noire sur le plancher. Mais ça, c'est. Savais-tu qu'il y avait une maison aussi qui existait sur les lignes? J'ai entendu. Tu sais, genre, le gars, il se lève, il est au Canada, mais il déjeune, puis il est aux États-Unis. C'est comme... Road trip! C'est drôle! Le lait au chocolat a été inventé par un Irlandais qui visitait la Jamaïque dans les années 1680. Les personnes là-bas, les locaux qu'on appelle, mm-hmm. Mélangeaient de la noix de coco et de l'eau. Donc Hans Sloane trouvait ça vraiment dégueulasse et ça lui donnait la nausée. Donc à la place, il a mélangé ça avec du lait pour rendre ça un petit peu plus plaisant. Il a ramené la recette en Angleterre où ça a été fabriqué et vendu par des pharmaciens comme médicament. Comme médicament. Comme médicament. Eh bien... et finalement, le chef traducteur pour le Parlement européen, Ioannis Ikonoumou, parle de façon complètement... Comment on appelle ça quand tu parles de façon... Fluide? Ouais, non, je pense pas que ce soit ça le mot. De façon adéquate et parfaite, bref. Ouais. 32 langues. What? Tu vois, j'ai de la misère à parler le français et trouver 32 le mot... 32 langues. Le mot correct. Oui, c'est le chef traducteur du Parlement européen, Ioannis Ikonoumou. Et de pas trop avoir de problème à voyager, lui, hein? De pas... Road trip! Il va pouvoir aller vivre dans la maison de l'autre. Hey, c'est fou! Qui est en deux pays. 32 langues! 32 langues! Faut que t'aies un cerveau assez... Hein? Tu vois? C'est ça, je voulais dire. Hein? Non, mais c'est fou, là. Imagine... À un moment donné, tu dois te mêler d'une langue que tu connais. Je sais pas. Je peux pas croire. Il y a des langues qui se ressemblent, on s'entend. Tu sais, de la misère à gérer mon côté français et mon côté anglais. C'est ça. Moi aussi, en passant, les sites officiels sont tous en anglais. Imagine 32 langues. Probablement remarqué par mon manque de bonne traduction, cela. Mais oui. Tu sais, il y a beaucoup de langues qui se ressemblent en plus. Exact. Bref, voilà, pour cet effet. C'est tout un fait, ça, le dernier. Tout un fait. Voilà, on prend une pause. Oui. On revient avec toi, Tania. Avec moi. Yeah, avec moi. Je ferai n'importe quoi. Voilà, c'est là. Vous êtes assez fait, assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on se lundi 16 novembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Tu sais, dans d'autres émissions, ils vont timer leur chronique pour être tout le temps, bon, les sports à 8h, juste la météo à 8h10, le ciel à 8h15. Nous autres, on se dit, on va mettre un snooze de plus, fait que, tu sais, ce qui est à 8h est à 8h10 ici, tu sais. Ouais, en temps normal. Tu vois, on fait tout le temps ça. c'est comme ça. Ça arrive fréquemment, hein? est-ce que t'es prête à faire ta chronique, Tania? Oui! Ben, Colin, ça donne bien parce que j'entends que commence oh, au loin. Oui. Oh. Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Allô. Hey, le chorisme, je dirais. Oui, oui. Le chorisme que tu fais sur cette chanson-là est incroyable. C'est fou, hein? J'y donne mon 120%. T'as du talent, là. Oui, oui. Justement, t'as pas bu ce matin, donc 120. Hey! Hein? Hein? Oh! Hein? Moi, je vais passer pour une alcoolique infinie à cette émission-là. Mais en fait, c'est que je me suis juste pas adapté. Je suis encore en mode Stéphanie. Je passe proche de taper Stéphanie tout le temps. C'est Et ça. Stéphanie était une sous-là. Non! Et Gaspésienne, c'est pas pareil. Ah, OK. Ça compte pas. C'est ça. Bref, Tania. Oui! Quoi de neuf aujourd'hui? Hey, Mathieu, je dois t'avouer que j'ai eu pas mal de difficultés à savoir de quoi j'allais parler ce matin. T'es déjà à court de sujet, là? Pas, je suis déjà à court de sujet, mais il est arrivé plusieurs événements de ma fin de semaine qui m'ont fait réfléchir au fait que ça ne me tentait pas nécessairement de faire une chronique. T'avais jamais le dire, hein? Et puis, hier soir, en fait, en allant me coucher, parce que là, je me suis dit, bon, au pire des cas, je vais improviser quelque chose. Et avant d'aller me coucher, j'ai sorti un livre que je trouve quand t'as même... T'as écrit un livre au complet puis tu l'as sorti par une maison d'édition? C'est ça. Okay. Moi, je fais ça dans la vie. Je suis pleine de surprises. Et pleine de plagiat. Et pleine de plagiat. Mais non, c'est pas moi. Rassurez-vous, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Okay. Mais je me suis mis à lire un livre que j'ai acheté, ça fait très longtemps, mais je dois t'avouer que j'ai seulement quelques pages de lu de ce livre-là encore. Mais des mots de bonne page. Oui, parce que le livre me fait peur. Ben, on voit dessus une statue d'un Bouddha jaune. Exactement. Mais il me fait pas peur au point où que je suis comme « Ah non, c'est une histoire d'horreur. » Rassurez-vous, OK? En fait, il me fait peur pour toutes les réponses que ça va amener. Ah. Combien de fois est-ce que tu te remets en question dans une semaine, Mathieu? Littéralement chaque jour, ouais. Ouais, exact. Ouais. Et en quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que je crois? Ouais. Absolument en rien. Tu crois absolument en rien? Absolument rien, non. C'est comme... Non. Là, je veux pas rentrer des religions parce que Boswell va me faire picher des roches tout à l'heure, mais... C'est comme... J'aimerais voir ça. Des petites roches. Ouais, qu'est-ce qui te fait... garder espoir, mettons. Ben, moi, tu sais, là, on s'embarque dans des débats... Ouais, mais moi, des débats philosophiques comme ça, j'en ai souvent dans mon cerveau. Mais non, c'est ça, non, je crois en rien au-dessus de nous, rien. Je crois en les principes de vie de base. Mm-hmm. Je crois pas que t'as besoin de la religion pour te dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est juste normal que certaines choses soient mal et certaines choses soient... Je vois pas... Parce que les catholiques, chrétiens et peu importe vont tout le temps avoir peur de Dieu pour gagner leur ciel, vont essayer de ne pas offusquer leur Dieu. Si ils offusquent leur Dieu, il faut qu'ils se fassent pardonner. Moi, je trouve ça absolument absurde. Je vais juste faire les choses que je crois correctes. Et si je fais les choses qui ne sont pas correctes, c'est parce que soit je voulais pas le faire, que je me suis trompé, que j'ai gaffé, ou bien que je voulais vraiment le faire pour m'apporter quelque chose. Ça se pourrait, c'est pas... Bon, non, mais je suis d'accord avec toi parce que je pense sensiblement pareil comme toi. Okay. Par contre... Good. Ces temps-ci, je dois avouer que je suis comme pas perdue, mais je me pose beaucoup, beaucoup de questions par rapport à qui je suis et par rapport à qu'est-ce que je dois changer de moi. Oui, on veut tous s'améliorer. Exactement. Pas besoin de Dieu pour ça. C'est ça, pas besoin de Dieu pour ça. Puis je crois pas à l'astrologie directement. Tu sais, exemple, tu vas lire ton astrologie puis dans le journal de Montréal. Non, OK. Mais gros bullshit, ouais. Mais les biscuits chinois, par contre. Mais je crois beaucoup, en fait, à la description de ta personne selon ton signe astrologique. OK, ben parce que ça a plus rapport avec une date et des trucs comme ça. Peut-être que ça peut avoir... Mais je dois avouer qu'à chaque fois que, exemple, je tombe sur une description de mon signe astrologique en tant que personne que je suis, c'est tout le temps vrai. Ouais. Comme, est-ce que tu as des exemples? Moi, je suis bélier. Okay. Ascendant bélier. Bélier, ascendant bélier. Ouais. Wow! Ce qui fait que j'ai une Moses de tête dure. C'est méga bélier to the extreme. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Bélier à la puissance 10, mettons. Mais oui, en temps normal, les béliers sont des personnes de tête forte. C'est signe de feu, beaucoup de conviction, puis beaucoup de drive. Et je crois justement en cette personnalité-là qui est décrite selon mon signe astrologique. Est-ce que le signe astrologique t'a donné ta personnalité? Comme quand t'étais jeune, tu t'es fait dire qu'il fallait que t'aies une tête dure puis que tu sois persévérant. Non, en fait, je l'ai su à mes dépens. Ah, OK. Tu sais, tout le monde me disait « Moses, t'as bien une tête dure ». Et un jour, j'ai su que j'étais bélier, ascendant bélier. Et j'ai fait des recherches à savoir qu'est-ce qu'était un bélier. Tu sais, quelle était la personnalité, mettons, d'un bélier, et je me suis rendu compte que oui, ça fitait exactement avec qui j'étais. T'es folle à bélier, comme on dit, comme folle alliée. Ouais, fait que tous mes faits et gestes et mes paroles et... Toutes mes paroles et ce que je pense, sachez que c'est tout drivé par mon signe astrologique. OK, t'as rien à voir là-dedans. C'est pas vrai, mais tout ça pour dire que dernièrement, je me pose beaucoup de questions, comme je le disais, à savoir comment est-ce que je pourrais m'améliorer tout en restant moi-même, tu comprends? Je veux pas nécessairement perdre mes convictions. L'essence de ta personne. C'est ça. Et je t'ai posé la question, en quoi est-ce que tu crois? Parce que je me pose la question aussi souvent. Tu sais, on est dans une génération qui croit plus nécessairement peut-être autant à la religion que, exemple, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Oui, j'imagine que ça n'a pas surpris grand monde tantôt quand on a dit ce qu'on pensait nous de la religion. Bien, c'est ça, exactement. Les gens se sentent inclus là-dedans. Par contre, dans ma tête, il faut absolument se rattacher à quelque chose, que ce soit le bonheur, le oui, plaisir oui, ben ou... Et c'est pour ça que je vous présente le livre. Et là, excusez-moi, je vais essayer de sortir mon indien de moi pour nommer l'écrivain. Ton hindou? Mon hindou de moi. C'est Dzogchen Ponlop qui a écrit le livre. C'est sûr. Et le livre, c'est Bouddha rebelle sur la route de la liberté. Alors, c'est plus une... comment je pourrais dire ça? C'est plus une œuvre qui va vous accompagner, mettons. Tu sais, tu passes pas au travers puis tu dis « OK, j'ai tout, là. Tu sais, bing bang, je suis heureuse, là. » Puis, je pense que c'est pour ça que je l'avais pas nécessairement commencé à le lire encore parce que je disais que ça me faisait peur. J'ai peur des réponses qu'ils vont me dire et j'ai peur que ça vienne me dire « T'es pas correct dans la vie, tu comprends? » Mais en même temps, qu'est-ce que ça changerait si on te disait que t'étais pas correct, si toi t'es heureuse là-dedans? Ben c'est ça l'affaire, c'est que si toi t'es heureux, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas aucun problème. Par contre, quand ça rentre en ligne de compte avec le bonheur de quelqu'un d'autre, oui, mettons, ben oui. Tu sais, c'est toujours de gérer avec quelqu'un d'autre ou une autre situation que... Qu'est-ce que moi je ferais dans ce type de situation-là? Mais est-ce que tu vas trouver un homme dans ta vie par rapport à son signe astrologique de, tu sais, mettons? Faudrait pas. Faudrait pas, hein? Est-ce qu'il faut que t'ailles au contraire ou est-ce qu'il faut que tu prennes un autre bélier sans la bélier? Non, deux béliers, je pense qu'on s'entretuerait pas ah, mal. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas, honnêtement, de ce côté-là, je peux pas nécessairement te le dire. Tu sais, j'irais plus pour quelque chose qui va pas nécessairement compléter ma personnalité parce que j'ai pas besoin de quelqu'un pour être complété. J'ai pas besoin des hommes! Ouais, exactement. Mais je pense que, tu sais, quand on dit travail d'équipe puis tout ça, ouais. Je pense plus que j'irais vers quelqu'un que, oui, ses ressemblances sont sensiblement pareilles comme les miennes sur certains points, mais que peut-être juste chercher un équilibre. Je pense que la clé dans tout dans vie, c'est l'équilibre. Ouais. Puis, en fait, pour continuer avec le livre, je vais vous lire le dos. Vous allez voir un petit peu comment est-ce que ça se dépeint, ce fameux livre-là qui me fait tant peur. Eh bien, c'est très facile. Vous avez l'impression de laisser la confusion, l'angoisse, le stress régner en maître sur votre quotidien. Et si, à la manière du Bouddha, vous vous rebelliez contre vous-même? Rebellier, tu vois? Rebellier. Le bélier dedans. En plus. Oubliez les statuettes réplettes, les coussins ergonomiques, les vapeurs d'encens. Non, le bouddhisme ne se pratique pas à l'ombre d'un arbre centenaire en compagnie de moines rasés. Le bouddhisme est actuel, résolument dans notre époque. Et surtout, le bouddhisme est avant tout une philosophie de rébellion. Grâce à ce livre ludique et pédagogique, partez à la découverte du rebelle en vous. Questionnez votre perception de vous-même et du monde. Libérez votre esprit des carcans qui le paralysent et n'hésitez pas à désobéir pour découvrir qui vous êtes vraiment. C'est après avoir lu le dos de ce livre-là que je me suis dit « je dois l'acheter ». Et lire deux pages. Jusqu'à présent, ouais. Mais j'attendais justement un moment où j'allais tant me remettre en question pour commencer à lire ce livre-là. Puis je pense que c'est... arrivé dernièrement. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le commencer immédiatement? Et je dois dire que j'ai lu à peu près 5 pages. Là. J'ai lu l'introduction complète, puis 5 pages qui est le fameux commencement du livre. Et déjà, en partant, ce matin, je me sens mieux avec moi-même. Fait que je me suis dit, aussi bien continuer à le lire. Moi, je vous le conseille, honnêtement, si vous êtes du genre comme moi. Tu sais, je pense qu'on est dans cette saison-là, en plus, la saison où on va se remettre en question, parce que là, ça va un peu avec les dépressions saisonnières, ouais, hein, ça. Fait qu'on est comme dans cette partie-là là, de l'année où on peut se remettre en question, quasiment se reforger une personnalité, si vous ouais, voulez. Oui, se resetter. Hein. C'est ça, ouais. Se resetter, faire le vide de nous-mêmes. D'accord, et se poser la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Ah, la fameuse question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et je dois vous dire, c'est pas très cher là, comme livre. Moi, je l'ai trouvé à la librairie Renaud-Bray pour le coût de 10$. Ah, c'est pas un livre dispendieux au point de vous arracher les yeux de la tête. Et je pense que je vais me lancer dans la découverte de ce livre-là et vous en reparler. Bonne idée! Parce que je pense que je suis pas la seule à le faire et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent justement sont là à se dire « ben moi aussi, je suis dans la même situation, je me pose beaucoup de questions à qui je suis, à quoi est-ce que je devrais croire? » Parce que, on dirait que... Comment est-ce que je pourrais dire ça? On dirait que dans la vie, on cherche toujours quelque chose sans même savoir c'est quoi qu'on cherche exactement. Alors peut-être que certaines réponses vont se trouver dans ce livre-là. Et moi, parce que je t'ai posé la question « en quoi est-ce que tu crois? », je suis plutôt du genre à croire en moi. Oh, wow! Ah, oh, ça, c'est cute! OK. De me dire, je suis la propre maître de mon destin, mettons. Ouais, c'est ça, ouais. Puis si je décide de tout virer la table à l'envers et puis flipper les cartes, ben, je vais le faire, je vis avec les conséquences de mes actes. Je veux dire aux auditeurs, attachez-vous pas nécessairement, Tania. Hein? S'il vous plaît, hein? Tania, ne t'attache pas aux autres non c'est plus. C'est ça, ben ouais. Mais je vous le conseille, sérieusement, si vous êtes comme en gros questionnement, pas gros questionnement de vie, à savoir qu'est-ce que vous devez faire avec votre vie, mais tu sais, juste le genre de question où vous êtes stressé d'une situation quelconque, allez-y, prenez quelques temps, trouvez la partie qui vous convient dans le livre et lisez-le. Lisez-le. Même que, tu sais, tu te rappelles... Ben, en fait, tu te rappelles pas parce que tu le connais pas, là. Mm-hmm. Mais tantôt, on va voir Simon Fitzbay avec nous. Oui. Simon Fitzbay qui animait une émission qui s'appelait Album Classique dans le temps, où il faisait jouer un album classique au complet pendant une heure, tu sais, avec une pause en milieu, tu sais. Tu pourrais nous faire Livre Classique. Ben oui, je pourrais. Le lire en ondes. Je préfère ça. Je pourrais vous lire un paragraphe ou un passage à chaque lundi matin, oui, par exemple. Une genre de parole sage de Bouddha. Oui, exactement. Puis, pourquoi le bouddhisme? Bien, je dois avouer que... Ils ont-tu l'air bien, eux autres? Ouais, c'est zen pas mal, hein? C'est zen. Mais c'est ça l'affaire. Je suis zen jusqu'à un certain point dans la vie. En fait, je suis zen zéro, là, pas en tout. Zéro là. Zen, c'est comme, okay. Je pourrais sauter partout ces murs, là, dans la vie. Moi, pis la méditation, je suis pas sûre qu'on ferait qu'un, OK? Mais toute l'essence qu'il y a derrière ça, tout le questionnement derrière le bouddhisme, justement. Tu sais, on dit, ouais, il médite, il parle pas gros, blablabla. Sauf que prenez, genre, juste 15 minutes de votre temps pour aller lire ce que Bouddha a déjà dit et vous allez tous retrouver quelque chose qui vous convient. Et moi, je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut qu'on se rattache quand on a, justement, des questionnements ou qu'on a un stress vraiment élevé. À quoi est-ce qu'on se retient dans la vie? Voilà. Hey, cette chronique-là a coulé comme du beurre ou like Buddha? Buddha. Je savais qu'elle allait être courte quand même parce que c'est un livre. Je présentais un livre. Je savais pas trop comment vous présenter ça. Et là, j'ai une pièce musicale que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te mentionner qui était dans notre fameux fichier du lundi. Aucun problème. Et je me suis dit, en fait, Matt, j'ai cherché des... Tu sais, parce qu'on est comme à l'ère des blogs. Plusieurs blogs, on se demande quel type blog nourriture, blog mode, blog beauté. Surtout à cause de toi qui nous en propose tout le temps à chaque fois. Ben oui, exactement. Ben oui. Sauf que là, je dois vous avouer que j'ai cherché des blogs du style mode de vie qui pourraient aller dans le même sens que ça en français parce que je voulais vous en présenter. Puis Moses, j'en ai pas trouvé. Pas en français. Ça m'a déçu un petit peu. Oui. Parce que j'ai pas nécessairement tapé québécois. Mais... ça pourrait vouloir dire qu'il y a une porte ouverte pour ça. Il y a une porte ouverte pour ça, c'est sûr. Ça veut dire que tu pourrais t'en partir un. Ouais. Il y a une opportunité d'affaires là-dedans, toi qui es tellement businesswoman. C'est sûr. C'est sûr. Mais en anglais, par contre, je vous conseille, je vous l'ai déjà conseillé, mais je vais vous le reconseiller. C'est le fameux blog Thought Catalog, ouais, où on retrouve vraiment n'importe quel type d'article. Mais ce que je trouve le fun avec ce blog-là, c'est que n'importe qui... Sur la Terre. Même moi? Oui, même toi, Mathieu Plante, peuvent, en fait, envoyer leurs textes, leurs articles et peuvent être choisis pour être publiés sur le blog. C'est ce qui est le fun. C'est parce que tu vois des visions différentes de la tienne. C'est sûr que c'est pas simplement sur le lifestyle. Là. Faut quand même pas y exagérer. Il y a beaucoup d'articles sur l'amour et les relations interpersonnelles. Ah, ouais. Il y en a pas bien de ça, hein? Ceux-là, là, mettons, là, qui sont ben dans la mode, là. On en a beaucoup sur tant de catalogues, mais on a aussi qui sont humoristiques, on a qui sont justement des questionnements de vie où on tente de répondre à toutes ces questions-là. Et si jamais vous lisez l'anglais, bien, je vous propose d'aller voir ce blog-là parce que c'est quand même bien. Et comme je le disais, bien, j'en ai pas trouvé en français. Bon, donc c'est Thought Catalog comme Thought, comme une pensée. Comme une pensée, là, catalogue de pensée.com. Voilà. Et je le disais, j'ai une pièce musicale pour vous. parce que je me suis dit que le bouddhisme, c'est aussi l'art de laisser aller ce qu'on pense et peut-être... Oh, non. Ah oui, pas, j'ai dit ça. Pas Elsa, là. Non, let it go! Let it go! OK, on jouera pas ça? Non. Hey, wow! Mais, comme je l'ai dit, c'est de se laisser aller pour justement peut-être même se retrouver à un certain point. Alors, je vais vous faire découvrir Saint-Raymond avec la pièce « Letting Go ». Letting Go de Saint-Raymond. J'aimais ça. J'ai écouté les paroles, puis ça m'a tout de suite accroché. Surtout face au livre que je venais de vous présenter, je trouvais que ça se relayait bien. Saint-Raymond. Merci Tania pour ta chronique, Tania is gonna entertain you. Ça fait plaisir. On fait ça tous les jours de semaine à Assemblage Hockey. Oui. Toujours un sujet différent. Chronique littéraire aujourd'hui. C'était comme une chronique littéraire, oui. Ouais. Ben, c'était comme une chronique littéraire dans le sens que, tu sais, c'est comme une chronique musicale quand tu fais jouer une chanson, mais tu n'as pas écouté l'album. C'est ça. Là, tu parles d'un livre dont tu as lu deux pages. Dont j'ai lu deux pages. Pour mais te comme donner envie de le lire au complet. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pas une critique, ça. Comme je te disais à l'extérieur des ondes pendant la pièce musicale, c'est que j'aime pas lire un livre pour par la suite en parler parce que j'ai comme l'impression d'en faire une critique. Et je suis qui, moi, pour juger si tu veux aimer un livre? Who the fuck are you? There you go. Voilà. Merci, Tania. Merci, Mathieu. Au retour, on reçoit David Ferron pour nous parler d'un sujet quelconque, d'une plug pour quelque chose par rapport à... Qu'on sait pas. Qu'on sait pas. C'est une surprise aujourd'hui. C'est une petite surprise. Ils sont les surprises, là. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce lundi 16 novembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, David Ferron sera là pour une chronique spéciale. On fait pas une chronique, c'est une participation spéciale qui n'est pas une chronique parce que c'est correct, c'est aux deux semaines. Faut pas se mélanger, Tania, là. Ouais, non, t'as raison. C'est pas une chronique, là. C'est pas une chronique. Mais ça, c'est une chanson qui commence à jouer. Oui. C'est encore plus fort de demain au 89 FM. C'est fou. Tears. Encore plus fort de d'aimer à Assemblage requis, toujours avec Tania Baudin. Oui, Mathieu Plante. Oui, on a accueilli David Ferron, mais pas pour une chronique, donc il n'y a pas d'intro de chronique ou rien. C'est juste, on reçoit David Ferron, homme. Oui. Genre, la personne. Comme, c'est là, lui, là. David, ça va? Ben oui, vous deux. Ah, toujours, toujours, toujours. Heureux de t'avoir pour ce segment improvisé sur un sujet dont on ne connaît pas l'existence et la pertinence de... Oui, segment improvisé, mais pourtant, je vous avais prévenu depuis jeudi. Par ailleurs, Mathieu, merci de m'accueillir dans ton émission et celle de Tania aussi. Ça fait plaisir. Non, mais moi, je savais que tu serais là, c'est que je sais pas de quoi tu nous parles. Ouais, non, je t'ai pas oublié un matin, je savais que tu t'en es. On a même annoncé au début de l'émission. Ben oui, c'est ça. Non, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous plugues? Ben en fait, j'explique pourquoi il n'y a pas d'émission Palmarès du monde jeudi à 17h. Mais tout le monde attendait ça avec impatience. Ben en fait, c'est juste que je voulais inviter les gens... qui habitent près de Louisville ou même pas, c'est pas grave, peu importe où est-ce que vous habitez, c'est que la Société d'histoire et de généalogie de Louisville, donc la SHGL, dont je fais partie en tant que membre du conseil d'administration. Donc, la Shuggle, comme on appelle. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça, de même la Shuggle. Non, je vais dire non. La SHGL, je pense que tu le dis mieux que moi. Ah, OK. Oui, donc la SAGL, ce jeudi, elle organise un 5 à 7 qui est en fait également l'occasion de faire paraître son calendrier historique 2016. Okay. Un magnifique calendrier. Avec quoi dedans? Des photos de classe des années 1920 à 1960. C'est des photos de classe de la MRC de Masquinongé, okay, réparties sur 12 mois. Moi, ben habituellement, oui. Ben oui, exactement. C'est ça, un calendrier. C'est ça, oui. Et oui, donc on n'a pas réussi à inventer un 13e mois. On est. Ben, il n'y a pas une dernière page avec genre l'année 2017 dessus, tu sais? Oui, exactement. Ça fait que ça fait 13, dans le fond. Ah. Mais là, elle a peut-être pas de photos, celle-là. Ah, opportunité ratée. Ouais. Ben, j'ai vu un calendrier de 16 mois l'autre jour. Ah, oui, ouais. Mais ça, c'est le fun. Ouais. T'as moins à le changer souvent. Ah, ouais. Ça? C'était tout. Ben, c'était tout. Continue, David. Ben, c'est mail, hein? Je sais plus quoi dire, mais bref, notre beau calendrier de la SAGL, donc la Société d'histoire et de généalogie de Louisville. Donc, à chaque année, on fait un lancement de calendrier historique. Et pour tous ceux et celles qui veulent acheter ce beau calendrier, eh bien, c'est 10$. Sinon, ben, si vous êtes déjà membre de la SAGL ou vous voulez le devenir, c'est 20$ et en prime, vous avez le calendrier. Si vous voulez avoir le calendrier, tout ça, c'est 10$. Et si vous êtes un couple, c'est 25$ pour être membre de la SAGL pour deux personnes. Ah, oh wow, OK. Plus... Je pensais que c'était plus cher quand tu étais en couple. Genre ben 25$ chaque. Ben non. C'est 12$ et 50 pour être membre de la SAGL si vous êtes un couple. Faites-vous passer pour un couple au pire. Hein? Ouais, c'est ouais. Pas pire. Non, non, non. Et vérifies-tu? Je sais pas, ouais. Rentrez-vous! un bec! Ah, vous êtes un couple, on s'excuse d'arriver à l'improviste. Mais donc, c'est ça, c'est juste si vous voulez avoir. Si vous voulez être membre de la SAGL, qui est un organisme à but non lucratif, dont le but est de défendre le patrimoine et la généalogie de Louisville et des environs. Donc, c'est de plus en plus prisé par des gens de partout, même des États-Unis. La SAGL reçoit des gens des États-Unis qui ont des ancêtres de Louisville et des environs. Donc, on reçoit de la visite de gens de partout, cool, en Amérique. Ouais. Et oui, puis aussi, on fait d'autres activités. Et ça, en fait, la soirée que la Société d'histoire et de généalogie de Louisville organise jeudi 19 qui s'en vient, c'est aussi en collaboration avec Le Truc. Ça, Le Truc, c'est travail de rue communautaire de la MRC de Masquinongé. Okay. Parce que je sais que ça peut avoir l'air bizarre, une société historique avec un organisme communautaire, mais les deux organismes habitent sous le même toit à Louisville, ah, donc okay, au centre communautaire. Et en même temps, ben, la collaboration entre les autres deux organismes se passe très bien. Mm. Les coordonnateurs des deux organismes s'entendent très bien aussi, donc c'est... Un bec! Mais quand on a fait la rentrée, est quand même très bien. Ouais. Donc finalement, c'est Michel Purcell qui est le coordonnateur du truc, donc de l'organisme Travail de rue communautaire de la MRC de Masquinongé, qui va faire une conférence sur un DVD, donc un vidéo que l'organisme a déjà réalisé au cours des dernières années. Donc, c'est un organisme qui œuvre surtout sur l'intervention auprès des jeunes. Donc, c'est des gens qui vont sur le terrain, dans la rue carrément pour aider les jeunes et les outiller pour s'assurer que tout aille bien pour eux. Mm-hmm. Donc ça, c'est accompagné de ça. Donc c'est un 5 à 7 historique mais communautaire à la fois. Donc ça vous intéresse, c'est à la brassette L'Ami à Loisille le 19 novembre. Et pour confirmer votre présence, il faut appeler au 819-228-9656. Je répète, le 819-228-9656. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site web à aller voir, quelque chose pour plus d'informations? Ben oui. Car c'est pas le numéro de téléphone, des fois. Ben oui, vous pouvez cliquer sur Facebook, la Société d'histoire et de généalogie de Loisville. Chagall! Oui. Chagall! Ah, oui. La Chagall, ouais, j'ai pas pensé à ça, c'est une nuisible. Ouais, c'est un pensée si bien. Puis oui. J'aimerais ça oublier ça, tu sais. Ben, faut pas oublier. Non, je me souviens. Oui! Comme ils disent à Loisville. Ben, pas seulement à Loisville. Ah, entre autres. Mais oui, c'est important de se rappeler de l'événement. Voilà. Le 19 novembre. À la brassette L'Ami de Loisville. Oui, de 5 à 7 et c'est gratuit. Ah, ça, c'est pas chance. Ben non. David, comme tu l'as dit, cette semaine, tu seras pas à Palmarès du Monde, mais on peut quand même te retrouver la semaine prochaine et toutes les semaines de l'année. Les jeudis à 17h, c'est en rappel, les samedis à 15h, Palmarès oui. du Monde, où tu nous présentes de la musique du monde en ordre décroissant d'importance, parce que c'est un palmarès. Oui, exactement. En fait, je vous copie, Tania et toi, Mathieu, parce que je suis présente, ben, dans le fond, c'est parce que je présente pas 40 chansons, mais juste 5, mais c'est les 5 meilleures chansons qui sont diffusées sur C'est fou. Ben, c'est tellement le fun. On a comme un esprit d'entente, de ben collaboration. Oui. C'est pareil comme au truc machin et au Shaggle. Oui. Oui, exactement. Shaggle, comme on l'appelle. C'est une petite collaboration, sauf que David vit dans le passé parce qu'il y a encore Stéphanie Paradis dans son intro. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est pas adapté encore, mais tu sais, il y a des fois, c'est un petit peu plus lent, t'sais. Mais c'est parce que tu m'offres pas de... Ah, moi, faudrait que je t'offre ça, OK? Ah oui, force-toi. Et demande-moi-le. Puis toi, Tania, ça tenterait pas de participer à l'intro? Parce que dans l'introduction de Palmarès du Monde, c'est des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Palmarès du Monde avec Nathalie. Puis là, ben, c'est Stéphanie qui parle. OK. C'est pas toi, parce que c'était moi puis Steph l'année passée qui animait, tu sais. Mais moi, ça me dérange pas. On va le refaire tantôt. Ah, cool, hein, c'est gentil. De toute façon, on est jusqu'à l'autre semaine d'après. Tu fais pas l'émission jeudi. Mais non, c'est ça. Bon. Hey, j'ai hâte de découvrir les multiples versions que vous allez faire. Oui, parce que l'autre fois, on a fait une drôle, puis ça n'a jamais servi. Mais non. C'était vraiment genre, c'est Palmarès du Monde. Mais il s'en est pas servi. Ben oui, mais à ce temps que j'ai interviewé des artistes de la France. Faut que tu sois crédible. Ben oui, pas le choix, j'essaye. Toi qui travailles au Chag, hein? Au oui. Chag. La Société de l'histoire et de la généalogie de Loisville, ou quelque chose comme ça? Presque, donc la Société d'histoire et de généalogie de Loisville. On n'était pas loin. Ben oui, c'est bien. Quelques bouts de mots. Merci David Ferron. Ben, merci beaucoup Mathieu et Tania de m'avoir accueilli encore une fois cette semaine. On te retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30 pour ta vraie chronique. Oui, je vais essayer de trouver un thème folichon comme d'habitude. Folichon, génial. Oui, à part ça, Tania, ça va mieux? Oui, ça va mieux, très mieux, merci. Oui, excellent. Good. Tant good mieux. Job. Parce que c'est ça, Marie Melon avait exactement la même maladie, je crois. T'étais pas supposé garder ta crédibilité pour cette chronique-là vu que t'avais pas ta chronique normale? Mais c'est pas grave, ça, j'ai fait mon annonce. C'est ça. Mais oui, la semaine prochaine, c'est ça, un preview, il y a des retours dans ma chronique. Des retours? Oui. Est-ce que ça va être des hauts le cœur aussi? Des retours de liquide dans le... Dépendamment de comment vous allez réagir aux retours. On va voir. Parlant de haut retour, retour, on a Simon Fitzbé. Oui. Incroyablement vrai, avec ses cartes postales musicales, restez là. Pour l'instant, on écoute Thief par The Fratellis au 89 FM, c'est fou. We'll be right back.

rentre dans la vie. 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter. Il fait cet effet là. Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging. Hey hey, tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là dans une de tes soirées. Tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là à t'écouter parler des heures et des heures de toi. Tu te souviens pas de moi, mais j'étais là quand tu faisais le cake et le one again en face de moi. Alors du fond du cœur je te remercie, car si cet album existe, c'est un peu grâce à toi. Alors si tu te reconnais dans mes textes, faut pas que tu te vexes, mais jette ta cravate, ton jean et ton smoking, et viens nous rejoindre avec ton jogging. Hey hey, c'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie. 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter. Qui fait cet effet là. Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging. Ouh là là, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi. Il est là, il est là. Prépare-toi. Il est là, il arrive. Ouh là là, c'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans ta vie. Ou 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter, qui fait cet effet là. Ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution jogging. Ouh là là, là. Salut, je suis Gilles Jogging. Et ah, toi, t'es qui? Et toi, t'es qui? T'avais hâte qu'elle finisse, hein? Ben, c'était bon, hein? C'est un genre. Gilles Jogging avec l'effet jogging. Un habitude, c'est fou. Un habitude du dîner de con, surtout avec Danny Janvier. Nous, c'est la première fois ou depuis longtemps, en tout cas, qu'on l'a fait jouer à Assemblage Rocky. Donc voilà, pour l'effet jogging, ça allait avec la chronique sur le jogging hivernal de Catherine Langlois. C'est pour ça. Il y a une raison derrière tout. Voilà. Du coup... maintenant, on passe à autre chose complètement. Vous connaissez peut-être Simon Fitzbay, un ami de l'émission, depuis longue date. On met son intro, puis après ça, on parlera de lui. Okay? C'est bon. C'est la carte postale musicale. La carte postale musicale de Simon Fitzbay. Vous connaissez peut-être Simon Fitzbay pour son émission dans le temps, album classique. Il a fait ses chroniques phénomènes à Assemblage Rocky. Il a fait la carte postale musicale pendant un bon bout de temps. En fait, c'est l'ancien animateur de l'émission du matin. Il animait On s'appelle et on déjeune en 2010. Il a co-animé La pilule du lendemain en 2009-2010. Après ça, il a commencé à faire Assemblage Rocky avec nous. On l'a perdu de vue depuis quelques temps, mais quand il y a un événement particulier qui arrive, il a envie de revenir sur nos ondes pour passer un message. Et on l'accueille à bras grands ouverts. Donc Simon Fitzbay, ami de l'émission, qui nous a envoyé une autre carte postale musicale pour la première fois depuis, je dirais, un an et demi, deux ans. Peut-être même plus que ça. Et pour jouer le rôle de Simon Fitzbay aujourd'hui, comme on a toujours quelqu'un pour jouer son rôle, voici Tania Baudin, qui va citer Simon Fitzbay dans la carte postale musicale. On t'écoute. Bonjour Mathieu et Tania. J'espère que vous vous portez bien. Voilà un bail qu'on s'est vu. J'ai cru bon de vous envoyer une petite carte postale spéciale suite aux événements de ce vendredi. Ce qui s'est passé vendredi dans le 10e ainsi qu'au Bataclan est désastreux. J'ai l'impression que nous vivons tous et toutes la peine du peuple français face à ces actes irrationnels et désolants. Face à l'amalgame d'émotions auxquelles nous faisons face suite à ces attaques, j'ai cru bon de vous proposer d'entendre « All You Need Is Love » des Beatles, une chanson porteuse d'une très belle émotion, l'amour. Je crois qu'il est important aujourd'hui de se rappeler de s'aimer les uns les autres, d'éviter de tomber dans le jugement rapide, la vengeance ou la haine. Évidemment, la chanson est en anglais. Cependant, cette pièce enregistrée de 1967 dans le cadre de la télédiffusion mondiale Our World s'ouvre avec les premières mesures de la Marseillaise, l'hymne national de la France. Je crois qu'il s'agit là d'un petit geste de solidarité envers nos cousins français, qu'ils soient ici en tant qu'étudiants, professeurs ou pour toute autre raison. À la prochaine, les amis. Vive la France! « nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. The Beatles, All You Need Is Love, dans la carte postale musicale de Simon Fitzbay, qu'on remercie. On remercie aussi Tania d'avoir joué le rôle de Simon Fitzbay. Ça fait plaisir. Tu mérites un prix. Merci beaucoup. 99 cents. 99 cents. Un café. Bref, merci Simon, et on le retrouvera lors de notre événement. On souhaite évidemment pas d'événement malheureux comme ça, non. Mais c'est la seule raison de ramener... Oui. C'est la seule raison qu'il peut... revenir à notre émission. À son tiens, on a juste assez de temps avant la fin de l'émission pour une chronique qu'on fait absolument jamais, tant qu'à ramener la chronique de Simon Fitzbay de façon particulièrement extraordinaire. On va aussi ramener les paroles des autres. Les paroles des autres, la chronique dans laquelle on écoute la chanson thème d'une chronique ou d'une émission entourant l'univers Mathieu Plante. Et comme on a fait la chronique de Simon Fitzbay, carte postale musicale, voici son intro complet. Gershon Kingsley et Hey Hey! c'était Gershon Kingsley et la pièce Hey Hey, chanson thème de la chronique carte postale musicale de Simon Fitzbay qu'on a ramené pour la première fois en plusieurs années tout à l'heure. Et c'est la même chose pour les paroles des autres, on n'a pas fait ça depuis l'année passée. C'est rare qu'on a du temps pour des chroniques accessoires à Assemblage Rookie cette année. On a tellement de monde que les petites chroniques moins importantes de bouchage de trous, on n'a pas vraiment besoin, t'sais. Mais bon, on va essayer de le faire une fois de temps en temps, surtout qu'on a de nouvelles chroniques cette année, donc on pourrait ramener cette chronique-là un petit peu plus souvent. Les paroles des autres et les montages de Les paroles des autres sont sur assemblagerequis.com avec toutes les autres chroniques qui sont prémontées. Voilà. Même si techniquement pas prémontée, celle-là. C'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Malheureusement. Beaucoup de monde à remercier. OK, veux-tu m'aider? OK, je t'aide. OK, on remercie. David Ferron. C'est ça? La fille qui a fait la chronique plein air. Catherine Langlois. Le gars qui a écrit une carte postale musicale. Simon. Fitzbay. Fitzbay. La fille qui a coanimé l'émission. Tania Bourdin. Le gars qui a fait les pitons. Mathieu Plante. C'est ça. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. À l'émission demain, on aura Marie-Laurence Audet à 8h. Avec sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Alors, on a la chronique du Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin à 8h30. Et c'est tout pour demain. Malheureusement, on a perdu Gabriel Béo dans le cours de route. On va le revoir, mais pas dans sa case horaire habituelle. Donc, malheureux. Restez à l'écoute, à 11h ce sera le Dîner de cons avec Denis Janvier, ensuite à 13h l'émission de variété Les Délirantes, à 14h la rediffusion de rock classique avec Alain Lefebvre, à 19h le voyage insolite avec du cinéma, littérature fantastique et culture rock, et à 20h rock progressif, donc si vous aimez le rock, vous allez être servi entre 14h et 22h, un gros pan de mur de rock. Yes. C'est fait en roche, je pense. C'est à roche. Ben, on se quitte là-dessus. Est-ce qu'on se quitte avec une pièce? J'ai pas prévu de pièce pour se quitter. C'est plate un peu. Si seulement j'avais eu mon iTunes ou encore mon Winamp, j'aurais pu sortir ma playlist. La pointe-tu? Ma playlist? Ta playlist. C'est une chanson qui dit quelque chose? Ben oui. C'est quoi? Je me souviens plus du Ben. C'est le même Ben qui fait l'intro de la chronique Les paroles des autres qu'on vient juste d'entendre. Oh non. C'est On a créé un monstre. On a créé un monstre. À demain, bye. Bye. J'attends.